parle plus fort que vos cris. Chaque VRE s'ancre ici. Vos mensonges volent dans le vent. Ride est-ce qu'il reste éternel présent. Vous courez derrière des ombres vides. Chaque mot creux nourrit vos rides. Idoles de papier, gloires éphémères. Vos vérités sont passagères. Moi j'ai bâti sur la sincérité. Chaque bloc est lourd de vérité. Ride a skill trace une route claire. Mes fondations sont faites de pierre. Stone truth cannot break. Lies will fade. Hearts away. Ride a skill stand through time. Every scar. Répète sans comprendre. Chaque mot vide les fait descendre. Vos chaînes brillent mais tiennent vos vies de fausses couronnes. Un faux pays. Mais moi je parle sans artifice. Chaque souffle porte mes prémices. Rider skill règne dans vos silences. Ma voix grave brise vos absences. Stone truth cannot break. Lies will fake. Rider skill stand through time. Every scar becomes a rhyme. Shadows fall, but I remain. Through the fire, through the pain. Stone truth cannot die. I will rise. Venin s'éteint dans ma lumière. Chaque attaque devient poussière. Je marche droit, honnête et fier. Ride a skill gravé dans la pierre. Stone truth cannot break. Lies will fade. Hearts away. Ride a skill stand through time. Every scar. Moi je tiens, chaque vérité forge mes mains. Rider skill n'est pas une illusion. Je suis la légitimité, la conviction.